Le voyage. On entend souvent des gens vous dire j'aime bien voyager. Mais le voyage dont on va parler ce soir est un peu plus long et un peu plus loin. Et pour nous en parler, un nouvel invité en quelque sorte, parce qu'on connaissait le thésard Johan, qui était venu quelques fois nous parler, qui avait rejoint l'équipe de Podcast Science, mais maintenant nous avons le docteur Johan, qui vient donc nous parler des sons de voyageurs. Vous êtes bien dans Podcast Science 189, et bienvenue! Salut à tous et bienvenue. Alors, autour de notre table ce soir, d'abord autour de notre table virtuelle, on a Julie depuis Nice. Salut Julie. Salut. Qui est en train de faire son premier broadcast. Donc, grande Exactement. émotion. C'est un peu pour ça qu'on est en retard, hein, on est désolé. On a Irène depuis les États-Unis d'Amérique, j'ai envie de dire à l'Est, mais je sens que je vais me planter. Donc, quelque part dans les États-Unis, j'ai aucune Oui. notion de géographie. Salut Irène. Non, je suis carrément à l'ouest, hein. Je suis à Voilà, l'ouest donc. des États-Unis. Ça Bonsoir. dépend dans quel sens on regarde, en fait. C'est vrai. Faudrait qu'on fasse un épisode sur les cartes. On devait avoir un Robin, mais il n'est pas là. Peut-être qu'il apparaîtra pour venir faire son pitch. J'en sais rien. On n'est pas au courant pour l'instant. Autour de notre table physique à Paris, nous avons Johan, donc nouveau docteur Johan. Salut Johan. Salut. Et puis moi-même, Nico, depuis Paris, pareil. Du coup, au sommaire de cette émission ce soir, pas grand-chose. C'est une émission de type dossier. Donc, on a le dossier de Johan sur les sons de voyageurs, la côte, et puis ça va être tout. Et puis le pitch de Robin, s'il est là, et s'il n'est pas là, c'est moi qui pitcherai un peu l'émission la semaine prochaine. Voilà. Mais si tout le monde est prêt, si tout le monde va bien, je propose qu'on commence par le dossier de Johan. Eh ben, on est parti alors. Allons-y. Alors, on est tout ouïe, Johan. Très bien. Alors, dans les planètes du système solaire, la plupart sont connues depuis l'Antiquité. Il s'agissait alors de repérer les points dans le ciel qui ne bougent pas avec les autres, ce qui ne rentre pas exactement dans les grands amas fixes que les Grecs ont regroupés en constellations. On connaît alors les planètes rocheuses, Mercure, Vénus et Mars, et certaines planètes gazeuses, Jupiter et Saturne. Et ça reste pareil à peu près jusqu'à la Renaissance. En effet, les autres corps du système solaire ne sont pas assez lumineux pour être observés à l'œil nu. En 1610, Galilée apporte un peu de nouveauté en observant quatre satellites autour de Jupiter. Ces satellites, Ganymède, Callisto, Io et Europe, sont de taille comparable à celle de la planète Mercure. Donc il s'agit vraiment d'une découverte incroyable, qui va d'ailleurs guider la remise en cause du système géocentrique de Ptolémée. Il faut ensuite attendre 1781 pour avoir un peu de neuf, avec la découverte d'Uranus par William Herschel. Cette découverte mène à la prédiction de la présence de Neptune par des matheux. C'est-à-dire qu'en fait, parallèlement, donc deux mathématiciens, Urbain Le Verrier en France et John Adams en Angleterre, ils vont analyser les perturbations fines de l'orbite d'Uranus et en déduire la position de Neptune, qui est effectivement observée. On trouve dans les siècles qui suivent une dizaine de petites lunes autour de Jupiter et Saturne, cinq autour d'Uranus et une autour de Neptune. Et puis bien sûr, il y a Pluton aussi en 1930 qui est découvert par un Américain. Cependant, donc avec tout ce qu'on sait là, de l'Antiquité jusqu'à 1930, on sait quasiment rien de ces lunes et de ces planètes. Les lunes sont à peine résolues. Donc ça veut dire que c'est des points ou alors quelques points sur un détecteur. Et on n'a aucune information sur les planètes. Normalement, dans la chatroom, devrait y avoir la première image. Voilà. Donc ça, c'est une image de Neptune avant le passage de Voyager 2. C'était une des meilleures images qu'on pouvait obtenir. Vient le moment où on commence à envoyer des trucs dans l'espace. Alors, je ne vais pas vous refaire un dossier sur la conquête, pardon, sur l'exploration spatiale. Disons juste que l'on a commencé à envoyer des tas de sondes vers des objets proches, Lune, Mars, Vénus, Mercure, et puis on a commencé à regarder plus loin. Alors je vais commencer là un tout petit peu à comment est-ce qu'on va sur une autre planète? Donc ça va être une grosse partie du dossier, c'est comment est-ce qu'on peut se rendre sur les autres planètes. La première méthode à laquelle on peut penser, c'est la ligne droite. On tire, la fusée va en ligne droite vers l'objet, ou plutôt vers l'endroit où va se trouver l'objet quand on sera à cet endroit. C'est un peu comme ça que les fusées fonctionnent pour mettre les satellites en orbite basse. Le problème principal de cette méthode, c'est que le temps de parcours et la quantité de carburant utilisée doivent être finis. En effet, plus on veut pousser longtemps, plus on doit embarquer de carburant, mais plus on embarque de carburant, plus on est lourd, et plus on est lourd, plus on doit pousser, etc. L'idée qui émerge assez vite, c'est d'utiliser de petites poussées stratégiques seulement et de laisser la gravité faire le reste. C'est particulièrement pratique lorsque vous vouliez d'aller d'un objet à l'autre qui orbite tous les deux autour d'un même objet. Ces techniques sont connues depuis bien avant qu'on envoie des trucs dans l'espace et entre autres développées par l'ingénieur allemand Walter Oman, donc qui est de 1880 à 1945. Juste, j'ai vérifié, il n'a pas participé, donc il a fait tous ses travaux avant que l'Allemagne devienne nazie, et il s'est très vite éloigné des fusées quand c'est devenu des missiles dans les années 30-40. Pour bien expliquer ce qu'est une orbite de Hohmann, il faut revenir aux bases de la gravitation. Ce qu'a remarqué Kepler au XVIIe siècle, c'est que les corps orbitent les uns autour des autres selon des ellipses, dans le cas général. Cette observation fine du mouvement des planètes fut plus tard totalement décrite par les équations de Newton, qui mathématisa tout ça et décrit de manière générale toutes les trajectoires suivies par un corps autour d'un autre. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que la trajectoire des objets autour d'un autre, beaucoup plus massif, est une ellipse. Et donc, parfois, dans un cas particulier d'ellipse, un cercle. On définit alors l'excentricité de l'ellipse, qui exprime l'écart de forme entre l'orbite elliptique et le cercle parfait. Le cercle parfait, donc, c'est le cas particulier où l'excentricité est nulle, et donc on a E égale 0. On définit aussi l'inclinaison, qui mesure l'angle du plan dans lequel se trouve l'objet. L'idée du transfert de Hohmann, c'est d'étudier quels sont les changements d'orbite les moins gourmands en énergie. Par exemple, un changement d'inclinaison, donc le changement de plan de l'orbite, c'est très gourmand en énergie. C'est d'ailleurs la principale erreur du film Gravity, parce que la Hubble et la Station Spatiale Internationale ne sont pas du tout dans le même plan. Donc c'est une inclinaison de 28,5 pour Hubble et 51,6 pour la Station Spatiale Internationale. Et donc en fait, pour aller de l'un à l'autre, si on essaye, c'est très très coûteux en énergie, et c'est en particulier impossible juste pour deux personnes avec un fauteuil qui peut envoyer des impulsions. Donc par contre, un changement d'excentricité l'est beaucoup moins. Donc une orbite d'Hohmann, donc du physicien allemand qui les a inventées, c'est une ellipse de transfert que l'on va utiliser pour se déplacer entre deux points à distance différente de l'objet attracteur. Alors par exemple, si vous voulez mettre un satellite en orbite circulaire géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km par rapport au niveau de la mer, à partir d'une orbite circulaire basse, 200 km au niveau de la mer, ce qui est à peu près l'endroit où vous lâche une fusée à peu près qui part depuis la Terre. Bah donc l'idée, c'est de se placer sur une ellipse dont le centre de gravité est la Terre, dont la partie la plus proche de la Terre, ce qu'on appelle le périgée, est tangente avec l'orbite circulaire basse, et dont la partie la plus éloignée de la Terre, l'apogée, est tangente avec l'orbite circulaire haute, donc l'orbite géostationnaire cible ici. Et donc en fait, il suffit d'une petite poussée au départ pour se mettre sur l'orbite de transfert, qui est avec une grande excentricité, et une autre petite poussée pour la remettre sur une orbite à une excentricité quasi nulle, un cercle, lorsqu'on atteint l'apogée. Donc l'orbite de transfert est appelée orbite de transfert d'Hohmann, et en fait c'est quasi quotidiennement utilisé pour mettre des choses sur des orbites moyennes ou hautes, avec très peu de dépenses de carburant. Par contre ça prend sacrément beaucoup de temps en fait. Je vais y venir. C'est aussi comme ça qu'on met des trucs sur Mars en fait. L'objet attracteur est maintenant le Soleil. Au début, on est avec la Terre sur la même orbite que la Terre autour du Soleil. Et l'orbite de la Terre est quasiment circulaire. Son excentricité est égale à 0,017, donc c'est quasiment nul, donc quasiment un cercle. Et on va aller sur Mars, qui elle aussi a une orbite avec une excentricité de 0,093, donc quasiment un cercle aussi. Donc là, avec une petite poussée, on se retrouve sur une orbite du Soleil, dont le périgée, donc l'endroit où il est le plus proche du Soleil, c'est l'orbite circulaire terrestre, et l'apogée, c'est l'orbite circulaire martienne. Une autre petite poussée lors de l'arrivée 2 ans plus tard et on se retrouve directement sur l'orbite martienne. Alors par contre, il faut aussi prévoir précisément le jour de lancement pour que l'intersection entre l'orbite de transfert et l'orbite martienne se fasse le jour du passage de Mars à cet endroit. Sinon, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve sur la bonne orbite, sauf qu'on est un petit peu devant ou un petit peu derrière de Mars et on risque pas de la rattraper vu qu'on est sur la même orbite à la même vitesse. Donc les fenêtres de tir des voyages interplanétaires sont extrêmement bien calibrées. Pour Mars, c'est environ tous les 780 jours, ce qui fait environ 2 ans. Un autre exemple, c'est la sonde Rosetta, qui devait aller visiter la comète 46P Virtanen. Et puis en fait, à cause de l'accident d'Ariane, les vols ont pris du retard et finalement, on a raté la fenêtre de tir. Et donc, on s'est rabattu sur la comète 66P qui a le doux nom, 67P, qui a le doux nom de Churyumov-Gerasimenko, et qui a le gros désavantage pour les vulgarisateurs scientifiques d'avoir un nom absolument imprononçable. Mais bon, elle est jolie, donc on va excuser le... Donc on a donc réglé le problème, du coup, en carburant, en laissant faire la gravité faire le boulot. On peut donc partir à l'aventure des planètes extérieures du système solaire. Et bien, pas tout à fait, parce qu'en effet, comme vient de le dire Nico, plus la planète est éloignée du Soleil, plus l'orbite de transfert est longue, parfois très très longue. Bah, en effet, pour rejoindre Neptune, donc, qui est la dernière planète actuellement du système solaire, grâce à une orbite de Hohmann que je viens de vous décrire, il faut compter 30 ans. Pour rejoindre Pluton, Il faut compter 41 ans. À la fin des années 60, à la NASA, on a une histoire spatiale qui existe depuis 10 ans. Spoutnik, c'est octobre 57. Donc, on a un peu de mal à se projeter 40 ans plus tard, ce qui est assez compréhensible. Et donc, on va utiliser autre chose qui s'appelle l'assistance gravitationnelle. En 1957, un article d'un physicien allemand, Kraft Ehrlicke, propose l'utilisation des planètes pour accélérer ou ralentir les sondes. Donc, il écrit, je le cite, « En général, les champs gravitationnels perturbateurs peuvent avoir pour effet d'accroître ou de décroître l'énergie orbitale ou de changer l'excentricité de l'orbite du véhicule, selon les conditions d'approche de celui-ci. Si ces conditions sont correctement sélectionnées, les forces gravitationnelles perturbatrices de la planète peuvent être utilisées au profit de l'astronautique. » Pour vous décrire ça rapidement, imaginons un engin spatial se baladant dans l'espace et une planète. Au début, l'engin spatial se rapproche de la planète et finit par entrer dans sa zone d'influence. Le champ gravitationnel attire de plus en plus la sonde, qui voit alors ses vitesses augmenter. Si la trajectoire de l'engin a été établie de manière à éviter qu'il se prenne la planète, il dépasse donc la planète et sort progressivement du champ gravitationnel de celle-ci, en perdant de la vitesse. L'engin spatial a perdu autant de vitesse pendant sa phase de décélération qu'il en a gagné pendant sa phase d'accélération. Cependant, le vrai intérêt de cette méthode est qu'elle permet de changer la direction de la vitesse et donc de gagner en vitesse pour s'éloigner du Soleil, la seule qui nous intéresse vraiment. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à gagner en vitesse d'éloignement du Soleil, donc à s'écarter plus vite du Soleil. Donc, on peut maintenant trouver des trajectoires qui nous permettent de sortir du système solaire en un temps régional. Ces trajectoires vont être particulièrement étudiées au Jet Propulsion Laboratory, donc le JPL, on va beaucoup en parler, qui se trouve à Pasadena, en Californie, donc tout près de notre correspondante en Californie, Irène. Absolument. Et donc, en fait, le JPL, qui est le plus grand laboratoire de la NASA et qui a géré en grande partie le programme Apollo et le programme Voyager. Donc, en 1965, un ingénieur du JPL, Gary Flandreau, imagine le Planetary Ground Tour, qui devait utiliser un alignement exceptionnel de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. En gros, on peut aller jusqu'à Jupiter en utilisant une trajectoire d'Oman, et puis on joue au billard à 5 bornes pour visiter tout le monde. On utilise le système de fronde gravitationnelle pour envoyer une sonde vers tous les astres extérieurs du système solaire en une seule fois. Ça, c'est quand même un truc de malade, en fait. Ouais, et du coup, on peut atteindre Pluton en moins de 10 ans, alors qu'avant, c'était 40. Donc les scientifiques s'affolent. Cependant, la fenêtre de lancement est extrêmement courte. C'est 2 ans entre 1976 et 1978 et se reproduit qu'une seule fois tous les 176 ans. Et là, la question qui se pose, et donc tu vas venir, j'imagine, c'est comment on convainc des gens qui ont strictement rien à foutre d'aller prendre des photos de toutes les planètes du système solaire que c'est quand même super cool d'utiliser l'effet de fronde de toutes les planètes qui existent. Et ben en fait, c'est là où on se dit que c'est la fin des années 60 et que... Avec ce chiffre de 176 ans, donc les Américains savent très bien vendre ce genre de... Vous imaginez, la dernière fois que ça est arrivé, Franklin était encore président. Et donc avant que ce chiffre, on vend la mission à toute l'Amérique, les journalistes, le Congrès, le président. En juin 69, le JPL a vendu les plans de plusieurs véhicules. Et donc pour répondre à ta question, dans le livre dont je tire mes infos, donc l'auteur, je mettrai le livre dans les notes de l'émission, donc l'auteur Ben Evans note que le JPL travaille sous l'hypothèse merveilleuse que le Grand Tour était bien trop important scientifiquement pour être annulé. Mais en juin 69, nous sommes un mois avant Apollo 11, qui emmène les hommes pour la première fois sur la Lune. Le budget de la NASA a atteint en 1965 4,4% du budget fédéral total, et il est toujours à 2,3% en 1969. Donc pour vous donner, c'est quand même plus d'1,5 milliard par an, je pense. Donc on a commencé à voir vraiment les choses en grand. Donc l'idée, c'était de profiter de cette fenêtre pour envoyer 4 missions identiques lancées à quelques mois d'intervalle, avec peut-être des orbiteurs autour des premières planètes, des modules atterrisseurs pour Jupiter et Saturne. Bref, c'est la belle vie. Là, on y allait gaiement, quoi. Exactement. Éventuellement, s'il restait un peu d'argent, on mettrait des hommes à l'intérieur, tout ça. Presque. Et donc le 24 janvier 1972, la facture prévisionnelle atteint les 750 millions et le Congrès annule la mission. Et en fait, on réalise à ce moment-là qu'il n'existe pas de mission trop importante scientifiquement pour être annulée et que le programme Apollo, en fait, c'était pas une mission scientifique, c'était juste pour mettre une branlée aux Russes. Maintenant que c'est fait, le spatial, c'est pas si intéressant. Donc, le Congrès demande alors au JPL de trouver une alternative moins chère et on se concentre sur 2 missions seulement qui couvrent seulement Jupiter et Saturne donc, et qui, en plus, avaient déjà été observées par des sondes Pioneer peu avant. Je vais faire un petit interlude ici, après ces explications scientifiques sur l'attraction gravitationnelle. Et en fait, dès la conception de ces sondes, on sait que la vitesse insufflée par Jupiter vont faire l'air les premiers objets à quitter le système solaire. Donc, comme pour les sondes de Pioneer, on va donc inclure des témoignages de l'humanité. Donc, normalement, dans la chatroom, là, j'ai mis l'image de... Enfin, pardon, Julie a mis l'image de qui avait été embarquée sur la sonde Pioneer, qui est bien connue. Donc, ces plaques dorées, pour qu'elles soient bien... qu'elles tiennent le temps, donc étaient... On a demandé à Carl Sagan et son équipe de spécialistes en exobiologie de les concevoir. Et donc, enfin, on voit... Les fameuses plaques que même les humains ne comprennent pas. Mais c'est ça, sont exactement. Pour être comprises par des extraterrestres. Et bien, pas forcément en plus, d'ailleurs, parce que la position de la Terre dans l'univers, là, c'est la sorte de grosse truc avec plein de traits que vous voyez sur le côté. Ça, c'est par rapport, pour être situé par rapport à plusieurs quasars dont la période est reconnaissable. Et le surf qu'a le mec derrière, c'est quoi? Ah, le surf qu'a le mec derrière, c'est pour donner l'échelle, en fait, du mec. C'est la sonde qui est représentée, la sonde Pioneer qui est représentée, c'est pour donner l'échelle d'un homme par rapport à la sonde. On voit aussi, alors ce qui a été le plus critiqué, c'est donc il y a le voyage de la sonde dans le système solaire en bas à gauche là. Donc on voit les différentes planètes et puis une petite flèche en fait là. Et en fait ce qui a été le plus critiqué, c'est que la flèche qui est un symbole assez évident pour nos sociétés issues des tribus de chasseurs-cueilleurs, mais qui peut être complètement abscon pour d'autres civilisations. Et puis, bah, on voit un couple. Sur cette flèche, et Alexandre Astier, qui en ce moment fait l'exoconférence, je crois qu'il est à Paris en ce moment, mais il me semble qu'elle va tourner un peu en France. Si vous voulez aller voir des choses qui parlent d'exoplanètes et puis rigoler pas mal, apprendre pas des tonnes, mais rigoler pas mal, il raconte sur cette flèche un truc marrant qui dit que présenter le trajet de Pioneer comme ça, c'est un peu comme raconter à un Pékinois votre trajet Paris-Pékin en racontant le chemin que vous avez fait pour sortir de chez vous et rencontrer la première poubelle à la sortie de votre maison, quoi. Et qu'après, vous êtes arrivé. Parce qu'effectivement, si cette sonde rencontre des extraterrestres, ça sera dans environ 1 milliard d'années. Et donc, on lui a raconté les 11 premiers mois du voyage d'un milliard d'années. Je me demande ce que c'était la balance en haut, l'image en haut à gauche. Mais c'est un atome d'hydrogène, je crois. Ouais, c'est ça, c'est un atome. D'hydrogène, oui. Ouais, je sais plus si c'est hydrogène, mais c'est une longueur qui leur a paru être la longueur la plus universelle qu'on retrouvait forcément quelque part dès qu'on se mettait à faire de la science rationnelle, quoi. Voilà. Je crois que c'était un peu la réflexion de ce truc-là, et que c'est l'écart des raies d'hydrogène, il me semble. Donc il y a beaucoup de trucs à dire, ouais, sur cette plaque aussi. Oui, donc le couple nu avec le symbole, est-ce qu'on se demande est-ce que c'est un symbole vraiment pacifique? Il y a aussi le fait que le sexe de la femme ne soit pas aussi bien représenté, que ça a fait beaucoup de controverses, que le sexe de l'homme. Et puis le fait qu'ils aient pas de poils, quoi. Et Sagan a répondu que ce n'était pas de la censure ni rien, c'était parce qu'ils se sont inspirés des canons grecs. Et donc voilà. Mais on n'a pas fini d'en parler en fait de ce couple nu. Je vais y venir. Donc pour les sondes voyageurs, on va voir plus grand. On va mettre des disques d'or contenant ces mêmes informations. T'imagines si sur la sonde ils leur avaient mis des habits de l'époque, ça aurait super beaucoup plus mal vieilli. Non, mais tu rigoles. Donc les disques d'or contiennent ces mêmes informations, mais aussi des images et des sons. Toutes les images censées représenter la diversité de la Terre sont disponibles sur un site que je mettrai dans la note de l'émission. Donc parmi ces photos, commençons par celle qui n'y est pas, un couple nu. En effet, le dessin de la plaque de Pioneer avait beaucoup choqué pour sa grande obscénité. Donc à la place d'une photo de couple nu, on remplace des silhouettes évoquant un couple dont la femme est enceinte. Et donc, c'est juste des silhouettes en noir sur fond blanc, aucun détail qui pourrait choquer la jeunesse extraterrestre. J'imagine que c'est les mêmes personnes ont été horrifiées en voyant Alien et ont demandé que dans le volet suivant, ils portent un caleçon. Je vous présente deux images parmi les plus étranges que celles qui ont été envoyées. Donc, la première, c'est un couple de dauphins en train de sauter. Je ne sais pas si... Et je ne sais pas, pour ceux qui ont lu ou vu le guide du voyageur, le guide intergalactique du voyage de Hitchhiker, pour moi, j'ai vu que c'était « So long and thanks for all the fish ». Mais contre, il a été écrit après. Ouais, donc, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il a été écrit après. Il n'y a aucun doute que ce n'est pas du tout une référence. Et la seconde, c'est une image censée représenter donc, le lécher, le manger et le boire. Donc, je ne comprends pas exactement pourquoi ils ont mis ça. Mais donc, l'image est assez marrante aussi. Assez what the fuck à regarder. Déjà plus proche de gens qui vivent sur Terre, des humains qui vivent sur Terre, que l'image précédente. Que les dauphins qui sautent, oui. Non, et que surtout la plaque de Pioneer. Oui, voilà. Donc, effectivement. Donc, il y a beaucoup d'images avec des grands-mères qui balayent des feuilles. Pour peu que nos extraterrestres voient quelque chose dans le visible, quoi. C'est toujours la même question. Alors là, c'est des pixels qui sont recodés, donc c'est pas forcément le visible. Ah, oui, d'accord. Ils peuvent les voir en quelle que soit la longueur. Donc, sans décrire tous les aspects de la sonde, je vais revenir maintenant donc, finis cet interlude. Je t'écris rapidement deux caractéristiques axées sur l'énergie et les télécommunications. Donc pour l'énergie, il faut comprendre que l'énergie émise par le soleil à un instant se propage sur une sphère autour de lui. Si on double la distance, la même énergie est contenue sur une sphère deux fois plus grande, donc de surface quatre fois plus importante. Donc si au niveau de la Terre, on reçoit une puissance W par unité de surface, au niveau de Jupiter, on reçoit qu'un 25e de cette puissance sur la même surface. Donc sur un mètre carré au niveau de la Terre, on reçoit 25 fois plus d'énergie que sur un mètre carré au niveau de Jupiter. Au niveau d'Uranus, ce rapport tombe à 1 sur 360. Au niveau de Pluton, c'est 1 sur 1560. Donc on peut oublier les panneaux solaires pour des missions aussi éloignées. Il faut donc utiliser des générateurs thermoélectriques à radioisotopes ou des piles nucléaires, en parlant plus rapidement. Heureusement, elles sont très souvent utilisées, par exemple pour alimenter les instruments scientifiques laissés sur la Lune par les missions Apollo, et relativement safe. Je dis relativement car il y a quelques accidents, dont un qui a relâché du plutonium dans l'atmosphère. Mais bon, sinon c'est safe. Les générateurs sont placés sur une perche pour être suffisamment loin des instruments et ne pas les perturber. Ce qui va donner un peu cette tête un peu bizarre aux sondes, comme je vais en parler aussi. Et pour les télécommunications, on a le même problème de la distance et des ondes qui se propagent sur une surface. Et donc, il a fallu équiper les sondes Voyager d'immenses paraboles, donc 3,7 mètres de diamètre, qui vont en fait donner cet aspect particulier à la sonde, qui a bien rendu d'ailleurs Puyo sur son dessin, qui devrait bientôt apparaître dans la chatroom. Enfin, les ordinateurs de bord sont le plus automatisés possible pour pouvoir prendre des décisions en fait en cas d'absence de réaction d'un des instruments, et il faut que ça prenne en compte le fait aussi que la Terre ne peut pas répondre. Par exemple, en septembre 2001, le temps nécessaire pour une communication aller-retour avec Voyager 1 était de 23 heures. Donc si elle demande de l'aide parce qu'il y a un de ses instruments qui ne marche pas et qu'on met une journée pour lui répondre, donc il vaut mieux qu'elle puisse automatiser certaines de ses actions. Pour tenir le coup sur au moins 5 ans, donc qui était la base de la mission, la plupart des systèmes primordiaux, propulsion, ordinateur du bord, communication, tout ça s'est doublé. Enfin, les systèmes scientifiques, les instruments scientifiques sont variés. Je ne vais pas en parler ici, je vais juste parler en fait des caméras de type télévision en fait, qui sont embarquées et qui font 800 par 800 pixels. En août 1977, les deux sondes sont prêtes. La sonde Voyager 2 est lancée la première le 20 août 1977 et puis on envoie la sonde Voyager 1 le 5 septembre, donc deux semaines après. La raison de cette inversion est que la sonde Voyager 2 est lancée sur une trajectoire différente pour arriver 4 mois après Voyager 1 sur Jupiter et 9 mois après sur Saturne. Cette trajectoire différente lui permettrait, au cas où, de continuer le Planetary Grand Tour qui avait été annoncé, vers Uranus puis vers Neptune. En effet, même si ces planètes sont politiquement hors de portée, la NASA veut continuer à rêver à son Grand Tour. Et les ingénieurs donc, ont étudié plus de 10 000 trajectoires possibles dans le système solaire et en ont isolé deux qui permettent de maximiser la moisson de données autour des planètes cibles, donc qui sont politiquement Jupiter et Saturne. L'idée donc est de mettre de Voyager 1 sur une trajectoire permettant de remplir parfaitement ces options, Jupiter et Saturne et leurs satellites principaux, en particulier Io et Titan, et Voyager 2 sur une trajectoire de backup qui pourrait être corrigée pour faire la même chose si Voyager 1 n'y arrivait pas, mais avec l'idée un peu cachée que son objectif principal serait les Uranus et Neptune si Voyager 1 se déroulait correctement. Qu'en fait, il faut voir le truc comme un coup de billard à N-band, donc n'ont quasiment plus modifié la trajectoire une fois la sonde lancée et dont le voyage doit durer 10 ans. Une fois qu'elles sont lancées, on enlève toute l'équipe et on laisse quelques personnes pour réfléchir à la rencontre avec Jupiter 2 ans plus tard, en mars 79. Alors maintenant, du coup, passer à deuxième interlude, parce que sur le disque, il y a aussi des sons. Donc parmi ces sons, on a enregistré par exemple des salutations en 55 langues. Le texte diffère un petit peu à chaque fois. En anglais, par exemple, la salutation est « Hello from the children of planet Earth ». Donc ça veut dire « bonjour » de la part des enfants de la Terre. Et donc la phrase est lue par Nick Sagan, qui est le fils de Carl Sagan. J'en ai trouvé une assez classe, qui est enregistrée donc en Amoy, qui est un des dialectes les plus parlés en Chine du Sud. « Taikong ben yu, nin ho, nin jia ba be, ou yin de lai un jia jie. » On va en profiter aussi, on a là peut-être une de Robin qui vient enfin de nous rejoindre. Salut Robin. Salut Robin. Bonjour depuis la première. Ma vie est un peu compliquée, je vous raconterai tout si vous voulez, mais c'est pas très intéressant. Ok, c'est juste pour faire coucou, comme on avait des bonjours du monde entier, tu peux nous faire un bonjour depuis la planète Terre. Ouais, je suis bien sur la planète Terre, tout va bien. Bonjour à tous. Super. Désolé pour nos auditeurs qui comprennent la moille, j'ai interrompu la quote. Donc cette quote qui veut dire « Amis de l'espace, comment allez-vous? Avez-vous déjà mangé? Rendez-nous visite si vous avez le temps. Et en effet, pour quiconque a vu Alien, demander à un extraterrestre s'il a déjà mangé avant de l'inviter à visiter notre planète tombe tout à fait sous le sens. Enfin, le plus ridicule, pour autant que je puisse en juger, est celui enregistré en français. Bonjour tout le monde. Je sais pas exactement qu'il allait faire chercher. Moi, ça m'évoque une fille qui salue ses potes au bar un vendredi soir en arrivant en retard parce qu'elle avait un rapport à boucler. Donc voilà, c'est la phrase en français qui a été envoyée dans l'espace. Et c'est quelqu'un connu qui l'a fait ou pas? Non, il y a son nom quelque part qui traîne, mais je l'ai googlé, elle a rien fait d'autre à part bonjour tout le monde. Et après, elle a été finir son rapport. C'est un peu nul. Qu'est-ce que tu dis, Hélène? Ouais, je trouve ça un peu ridicule. Alors que je trouve que la phrase en anglais est très chouette. Et même en arabe. Je trouve qu'elle fait un peu nunuche. Hein. Est-ce que vous avez mangé et tout? Je trouve ça sympa. Donc voilà. Donc je reviens. Les sondes arrivent à Jupiter et Saturne. Donc j'évoque rapidement les avancées qui ont été rendues possibles par Voyager. Donc parmi les choses qu'on ne pouvait pas faire depuis la Terre, même sur une planète aussi grosse et aussi bien connue que Jupiter, c'est l'observer en mouvement. Donc un mois avant son arrivée, on a rallumé Voyager 1 et on a commencé à faire des photos de plus en plus fréquemment. À un moment, on prenait des photos toutes les 96 secondes. Donc je vous ai mis une vidéo Donc l'effet est assez saisissant. Je vous ai mis une vidéo dans la chatroom et les liens. Et en fait, c'est la première scène du film Another Earth, donc qui est sorti en 2011, donc Une autre Terre. Et en français, il s'appelle Another Earth. Et qui en fait utilise les images de la sonde et en fait la voix de l'héroïne est en off et qui décrit assez bien cet émerveillement de voir d'un coup la planète qui est immobile et puis d'un coup qui se met en mouvement. On voit les anneaux qui tournent différemment, la tâche donc au milieu, la tâche centrale qui tourne autour d'elle-même. Et je vous encourage d'ailleurs pas mal à regarder le film, c'est un peu comme Contact. Les fans de science-fiction dure vont être assez déçus. En fait, c'est une histoire qui parle d'autres planètes, mais toute l'histoire se passe sur Terre et ça parle principalement de gens, de leurs interactions et des accidents de la vie. C'est un film beaucoup plus proche des films d'Iñárritu que de Gravity, mais c'est vraiment chouette. Et donc, cette observation a permis de voir les différentes bandes de l'atmosphère de Jupiter qui tournaient dans différentes directions, en particulier la grande tache rouge qui est visible même pour les astronomes amateurs et qui est assez connue, cette grande tache rouge. Elle tourne de manière différentielle. Les nuages du bord font le tour en 6 jours, tandis que ceux du centre se tournent beaucoup plus lentement. Il y a un time-lapse beaucoup plus long que ça, qui a été pris donc sur un mois entier. Je vous mettrai les images dans le dossier. Voyager 1, pour finir avec Saturne, et c'est une de ses plus grandes découvertes, a aussi permis d'analyser de manière incroyablement détaillée les satellites de Jupiter. On voit par exemple, donc sur une photo ici, les satellites de Jupiter autour de... donc la grande tache rouge dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à gauche là, et puis dessus donc il y a le satellite Io, et à droite il y a le satellite Europe. Et donc quelques jours seulement avant le passage de Voyager 1, une équipe de l'université de Santa Barbara, qui est encore plus proche de l'endroit où Irène habite, avait prévu que les effets de marée de Jupiter créeraient des formations telles qu'elles pourraient créer du volcanisme sur les satellites et en particulier Io. Alors les forces de marée, je vais rapidement rappeler ce que c'est des forces qui s'appliquent dès qu'on considère que les planètes et les satellites sont plus juste des points, mais ont des tailles variées. Et dès qu'on leur donne une taille... C'est pas drôle, quoi. Dès qu'on empêche aux mathématiciens de penser que c'est un truc ponctuel, là. Parce, bon, ça marche pareil, hein. C'est juste que dès qu'on leur donne une taille, les parties les plus proches vont être attirées plus, et les parties les plus loin vont être attirées moins, et donc va y avoir une attirance différentielle. Et puis aussi, à partir du moment où c'est plus un point, les objets peuvent se déformer. Et donc, c'est vrai, par exemple, pour la Lune. Et d'ailleurs, je voudrais répondre à une question « Je me demandais » de Maël Tepo, j'en profite, qui nous demandait pourquoi est-ce que la Lune montrait toujours la même face. Et bien qu'en fait, c'est juste un effet de forme de marée qui fait que la Lune est déformée et n'est pas sphérique. Elle a une forme de cigaroïde. Donc, une sorte de... De cigaroïde, ouais. C'est comme un cigare ou... C'est comme un cigare, oui. Non, c'est, je suis pas sûr que ce soit mathématique. Je veux dire, c'est allongé, en fait. Oui, c'est ça. C'est une sorte de patatoïde, mais en forme de allongé dans la direction de la Terre. D'accord. C'est marrant. Ah, c'est pas genre un ellipsoïde allongé dans la direction de la Terre plutôt. C'est sans doute un ellipsoïde. Non, c'est le cigaroïde. C'est pas du tout aussi un peu. C'est pas du tout matheux comme expression. C'est juste que je pense que c'est un cigaroïde de révolution. C'est ça. Et donc cette forme en fait est responsable du fait que ce cigaroïde, ça fait qu'il y a une forme qui est beaucoup plus stable. C'est donc de pas de tourner exactement et d'avoir toujours la même face orientée vers la Terre. Donc ce qui explique, ce qui répond à la question de Maël. Et donc une des dernières découvertes importantes de Voyager 1, c'est que donc Jupiter est 300 fois plus massif que la Terre et donc va créer des effets de marée colossaux sur ses satellites. Io étant le satellite le plus proche, il est vraiment totalement déformé par Jupiter, ce qui la chauffe considérablement. Et quelques jours seulement après cette prédiction, une image de Voyager montre une énorme éruption à la surface de Io, ce qui est la première preuve de volcanisme en dehors de la Terre. Je passe maintenant rapidement sur Saturne. Donc, je ne vais pas décrire tout ce qu'on a trouvé sur Saturne, mais pour situer le niveau quand même, le Voyager Imaging Team Leader, donc le chef de l'équipe Voyager Imaging, Brad Smith, a dit après le passage de Voyager 1 et avant même le passage de Voyager 2, donc qui intervenait 9 mois plus tard, on a plus appris sur Saturne en une semaine que depuis le début de l'humanité. Donc, après Saturne, il était possible d'envoyer Voyager 1 vers Pluton. On a plutôt choisi de faire un passage vers Titan, puis d'utiliser l'assistance gravitationnelle de Saturne pour quitter le plan du système solaire et partir plein nord pour sortir plus vite du système solaire. La mission de Voyager 1 ayant été nominale, la décision est prise de faire continuer des Voyager 2 vers Uranus puis Neptune. Il était aussi possible d'aller vers Pluton, mais bon, il fait pas vraiment le poids face aux deux autres. Les chemins de Voyager 1 et 2 se séparent donc ensuite, en 1981. Troisième interlude, passons maintenant au son de la Terre embarquée sur les sondes. Donc là, il y a beaucoup de sons qui ont été enregistrés, il y en a une petite vingtaine, je vous mettrai les liens dans les notes de l'émission. J'en envoie juste un qui est assez what the fuck, ça s'appelle « Troupeau de moutons, forgerons et scie ». On va passer maintenant donc à Uranus et Neptune. Donc les photos d'Uranus ne sont pas aussi impressionnantes que celles qui ont été prises auparavant, car il y a vraiment peu de lumière aussi loin du Soleil. Donc à ces longueurs d'onde, il n'y a pas de nuages particuliers, et c'est vrai que Uranus, c'est un peu le calme plat. Idéalement, il aurait fallu trouver des détecteurs à d'autres longueurs d'onde, mais il faut se rappeler que ces instruments n'ayant pas été conçus pour ces lunes. Ils n'ont pas été conçus pour ces planètes, mais juste seulement pour Jupiter et Saturne. Donc 5 ans après avoir quitté Saturne, 8 ans après avoir quitté la Terre, fin 1985, Voyager 2 survole Uranus. Donc beaucoup de questions entourent cette planète, d'ailleurs toujours maintenant. En particulier, une des questions principales est le fait que son axe de rotation sur elle-même est quasiment dans le plan de révolution autour du Soleil. En gros, ce qui veut dire, c'est que la planète roule sur elle-même autour du Soleil. Ce qui est donc la Terre, elle, c'est le contraire. Elle a l'axe de rotation orienté quasiment perpendiculairement, et donc comme la plupart des planètes autour du système solaire. L'analyse détaillée d'Uranus et de ses planètes a permis de trouver 10 nouveaux satellites. Donc en tout, les deux missions Voyager 1 et Voyager 2 ont permis de découvrir 33 nouvelles lunes orbitant autour de 4 des 4 planètes extérieures visitées, et donc de les analyser. On a aussi pu analyser précisément les anneaux de cette planète. Donc, pour ne pas mettre trop de photos de la mission, j'en mettrai plus dans le dossier écrit, je pense, pour ceux qui sont intéressés. Et d'ailleurs, je mettrai aussi un lien vachement chouette sur le photojournal de la NASA, où on peut cliquer sur n'importe quel astre, regarder n'importe quelle mission et avoir toutes ces photos. C'est très très chouette et on peut vraiment y passer du temps si ça vous plaît. Sur la photo donc, de Neptune, c'est ça? Ouais. La chatroom a l'air étonnée de la qualité, il s'attendait à mieux. Et bah, c'est ce que j'ai dit au début. Juste à cause de la lumière? Non, c'est 800 par 800 pixels. C'est bien plus pourri que l'appareil photo de votre portable. Ouais, mais je pense que c'est au niveau détail, c'est que là on a l'impression qu'il n'y a aucun détail en fait. Ah non, mais c'est ce que je dis au niveau détail, c'est qu'en fait il aurait fallu embarquer des détecteurs qui n'envoyaient pas dans le visible. D'accord. Et que, en fait, les détecteurs avaient été prévus pour Jupiter et Saturne. Alors, pour être tout à fait honnête, effectivement, la NASA avait commencé à prévoir un détecteur un peu plus élargi avant le départ, ce qui prouvait quand même que même avant le départ, ils avaient quand même vraiment dans l'intention de continuer plus loin, même si c'était pas encore, la mission n'était pas encore allongée suffisamment. Mais donc, ils avaient vraiment envie de continuer un petit peu, puis finalement, il y a eu d'autres problèmes, et donc ils n'ont pas pu l'embarquer, ce détecteur-là. Et donc, effectivement, la photo d'Uranus est un peu décevante. Parce que il y a d'autres longueurs d'onde, en fait, où la mission est vachement plus... Donc après le départ d'Uranus, donc on va éteindre la sonde et qui entame son dernier voyage vers Neptune, donc l'intersection est 4 ans plus tard. Au début, je pense que j'avais mis une photo des différentes des voyages des sondes, des deux sondes. Et donc, on finit en beauté avec Neptune, donc dont l'image devra apparaître dans la chaptroon, et qui est une des photos les plus connues de la sonde Voyager, parce que tout simplement, c'est la seule sonde qui est arrivée jusqu'à Neptune. Et qui est à comparer d'ailleurs avec la première photo qu'on a mis dans la chatroom, qui était donc Neptune avant les sondes Voyager. Donc juste, je ne vais pas non plus insister sur toutes les découvertes scientifiques qui ont été faites, mais c'est, bah, vous voyez le détail de l'image avant. Plusieurs, je crois une dizaine de satellites qui ont été observés aussi autour de Neptune. Juste pour vous donner une idée de la rapidité des opérations, ce qui était à peu près le cas à chaque découverte, donc ils se disaient tous les 4 ans, c'était environ 24 à 48 heures, donc sauf pour Jupiter qui était très grosse, mais 24 à 48 heures d'opérations extrêmement rapides, qui étaient de plus en plus rapides parce que la sonde était accélérée par les planètes à chaque rencontre, et de plus en plus complexe parce que la distance rendait les communications quasiment impossibles avec la Terre. Donc pour la rencontre avec Neptune, le 5 juin 1989 à 3h56, passage au plus près d'Uranus, à 4h51, passage au plus près de la Lune Larissa, à 5h29, passage près de Proteus, donc une deuxième lune. À 9h23, passage près de Triton. Et après 9h23, c'est fini. Donc en gros, on a moins de 12 heures où les sondes a dû se tourner plusieurs fois pour prendre des photos, etc. Et elle t'envoie tout à la Terre et après c'est fini. Et elle avait attendu 4 ans pour cette journée-là. Je vais maintenant vous présenter donc le dernier interlude pour vous présenter les morceaux choisis par Sagan et son équipe, pour représenter la variété des musiques humaines. Je vous conseille d'écouter toutes les musiques en entier, il y a vraiment des trucs assez chouettes pour découvrir. Je me suis amusé pour ma part à reproduire ce qu'un alien pourrait entendre en sautant d'une partie à l'autre du disque. Sur ce son, c'est que les extraterrestres vont passer leur temps à essayer de comprendre ce que veut dire ce tch entre les chansons. Quoi. Non, le tch, c'est moi qui l'ai rajouté. Les chansons sont complètes en fait. C'était juste pour vous. Je précisais aussi. Non, il y a donc une, je crois que c'est 24 chansons complètes. Pour répondre à des questions qui se posaient dans la chatroom, c'est en fait, ils ont mis un mode d'emploi pour comment lire le disque, la vitesse de. Mais bon, c'est à peu près aussi compréhensible que la plaque la première fois pour situer la Terre. Donc bon, c'est possible que... Enfin, en fait, c'est quasiment impossible que quelqu'un trouve un jour la sonde. Hein. C'est juste un message pour l'humanité qui part. Dans l'ordre, je ne sais pas si vous avez reconnu... Il y a des TRM ou pas sur les... Du? Il y a des TRM sur les chansons ou... des protections pour le piratage. Il y a Valentine qui demande s'il y a du Johnny sur le disque. Hein. Non, il n'y a pas y a rien en français. J'ai trouvé un morceau de je sais plus qui. Je me demande si c'est pas du Chopin qui est joué par un pianiste belge. Mais à part ça, je crois que c'est le seul truc francophone que j'ai trouvé en cherchant rapidement. Il y a la flûte magique quand même, oui, qui est quand même. Ouais, non, après, il y a pas mal de trucs européens, pas mal de, il y a beaucoup de Bach. Je sais pas pourquoi, mais. Bon, c'est normal. Donc, je sais pas si vous avez reconnu, il y a Johnny B. Goode de Chuck Berry au début, là. Après, il y a des cornemuses d'Azerbaïdjan. Un chant de mariage péruvien, l'air de la flûte enchantée, effectivement. Et puis, à la fin, un air indien. Et après, il y a beaucoup de Bach et pas mal de musique classique. Il y a du Armstrong aussi, je crois. Enfin, c'est assez varié. Hein. Je retiens la notion très intéressante du piano francophone. Hein. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je voulais dire le seul interprète francophone de toute la liste. Dans une question intéressante, il y a une question qui demande dans quelle langue était le mode d'emploi. Ça fait un peu écho à CIGEO où on se demandait quelle langue on. Ah, bah c'est la même chose que sur la plaque de Poignier, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de. Je crois que la photo que j'ai envoyée là de Toc, le truc que j'ai envoyé en haut, donc là c'est Néphoto où on voit deux disques. Ouais. Et je crois que les images du haut, c'est le mode d'emploi pour lire le disque. D'accord, les images qu'il y a derrière là où il y a un peu des trucs qui ressemblent à Pioneer. Il y en a un, je crois que l'un c'est le recto et l'autre le verso. Et donc le verso, on voit les pistes pour le lire. Et le recto, en fait, donc il y a toujours l'image de la galaxie, des quasars là, il y a toujours l'image de l'atome d'hydrogène. Ouais. Et je crois qu'en haut, c'est le mode d'emploi pour le disque. D'accord. Ok, très bien. Je vois. Avec un temps aussi pour pas qu'on ensemble la flûte enchantée en accéléré. C'est pas hyper simple à comprendre. Quoi. Non, mais de toute façon, c'est assez dur de faire un truc hyper simple à comprendre, je pense, pour toutes les civilisations. Donc voilà. Donc c'était la fin du dernier interlude. Et donc voilà, donc là on a les deux sondes ont quitté le système solaire. Donc on est en. Ont quitté le système solaire, ont quitté la dernière planète du système solaire. Voilà. Et donc en 1990, avant d'éteindre ses caméras, Voyager 1 a pris un portrait de famille des planètes Jupiter, la Terre, Vénus, Saturne, Uranus et Neptune. Et d'ailleurs, il y avait aussi le Soleil. Donc dont il a fait, donc c'était une sorte de photo mosaïque. Et donc la photo de la Terre est appelée un point bleu pâle. Et qui a inspiré d'ailleurs l'un des livres de Sagan. À ce jour d'ailleurs, la mission n'est pas terminée. Les caméras de Voyager 1 et 2 sont éteintes, mais pas les autres instruments. Elles continuent de prendre des données. Les données prises depuis 20 ans ont permis de mettre en évidence les limites de notre système solaire. En 2006, près de 30 ans après son départ, Voyager 1 a dépassé la barrière symbolique des 100 distances Terre-Soleil. Actuellement, Voyager 1 est à 19,4 milliards de kilomètres, soit quasiment 130 fois la distance Terre-Soleil. Un aller-retour d'information, qui se fait encore, bon, je ne pense pas quotidiennement, mais donc un aller-retour d'information vers la sonde, ça met 34 heures à se faire. La NASA a officiellement confirmé, le 12 septembre 2013, soit 34 ans après le départ de Voyager 1, que la sonde a quitté la zone d'influence directe du Soleil, donc l'héliosphère, qui est la zone de prédominance magnétique du Soleil, la sonde étant toujours dans la zone de prédominance gravitationnelle de notre étoile. Et ça veut dire quoi, ça, en fait? Ça veut dire qu'elle est plus proche de notre étoile que de n'importe quelle autre étoile, ce qui est, sera non, encore le cas. Pour gravitationnelle, oui, mais pour la zone magnétique du Soleil, ça... Parce qu'en fait, le Soleil se balade en fait, dans le milieu interstellaire, qui n'est pas complètement vide, et donc qui contient des particules. Et donc, en fait, la zone d'influence gravitationnelle est le sorte de bouclier que crée le Soleil dans ce champ de ce milieu interstellaire. D'accord. Et donc, en fait, elle est en dehors de ce champ magnétique créé par le Soleil. Et donc, elle se trouve dans ce qu'on appelle l'espace interstellaire. Et donc, c'est le premier objet qui pénètre dans cet espace. Et donc, les données ont permis assez bien d'analyser la barrière et maintenant l'espace. Et d'ailleurs, oui, il y avait une sonde aussi qui était, donc Poynir, je crois que c'est 10, qui était quasiment sortie aussi et qui avait eu ce qu'on appelle l'anomalie Poynir et qu'on se demandait si dans l'espace interstellaire, la gravité se comportait différemment. Et donc Voyager n'a pas cette anomalie. Et donc récemment, la sonde Poynir, on a analysé qu'en fait, c'était sans doute un de ces instruments, les photons d'un de ces... Donc, l'instrument rayonnait de la chaleur parce qu'il était, utilisé. Et donc, les instruments, en fait, permettaient de pousser... Les photons permettaient de pousser tout doucement la sonde, ce qui fait qu'elle allait un tout petit peu plus vite que prévu ou un tout petit peu plus lentement, je ne sais pas. Donc, très, très léger, mais ça se mesurait forcément sur 30 ans de voyage. Et donc, cette anomalie a été, donc, pour le moment, sur les distances parcourues par des objets humains, on ne mesure pas de problèmes sur la gravité à ces échelles-là. Et donc, pour finir, les Voyager 1 devraient avoir assez d'énergie pour émettre des informations jusqu'en 2025. Je finis sur un dernier interlude, donc toujours sur ce disque de données. Donc, Anne Druyan, qui était la compagne et qui est devenue après la femme de Sagan, raconte dans l'épisode du livre de compilation posthume des essais de Sagan, qui s'appelle Billions and Billions. Je ne sais pas s'il a été traduit, je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, elle raconte l'anecdote suivante. C'est moi qui ai fait la traduction. J'avais demandé à Carl si ces extraterrestres supposés, dans un milliard d'années, pourraient éventuellement interpréter les ondes cérébrales de quelqu'un en train de méditer. Qui sait ? Un milliard d'années, c'est long. Très long, fut sa réponse. Il est possible que ce soit faisable, donc pourquoi ne pas essayer ? Deux jours après cet appel téléphonique, je suis rentré dans un laboratoire à l'hôpital Bellevue, à New York, et j'ai été relié à un ordinateur qui a transformé toutes les données de mon cerveau et de mon cœur en son. J'avais eu un itinéraire mental d'une heure pour enregistrer l'information que je voulais transmettre. J'ai commencé par penser à l'histoire de la Terre et à la vie qu'elle supporte. De toutes mes forces, j'ai essayé de penser à quelque chose résumant l'histoire des idées et de l'organisation sociale humaine. J'ai pensé à la situation dans laquelle se trouve notre civilisation et à la violence et à la pauvreté qui font que cette planète est un enfer pour beaucoup de ses habitants. Vers la fin, je me suis permis une description personnelle de ce que je pense que l'on ressent lorsque l'on tombe amoureux. Et donc la retranscription sonore de ces ondes cérébrales a aussi été ajoutée sur le disque. Voilà, j'ai fini. Ok, bah écoute, ouais, sujet super intéressant. Tout à fait passionnant. Mmh, super. Peut-être une question d'ouverture là, qu'on a eu tout de suite dans la chatroom avant de traiter les autres questions. Est-ce que il y a un autre projet un peu fou comme ça pour aller très loin avec une sonde, avec un objet, avec quelque chose prévu ? Alors, il y a New Horizons, je crois qu'elle s'appelle. Alors attends, je vais vérifier en direct. Qui utilise aussi un truc de... Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est une planète qui a été envoyée, une sonde qui a été envoyée spécialement juste pour Pluton et qui a été envoyée en 2006 et qui doit arriver en 2015. Donc, c'est aussi une planète qui a sans doute utilisé une fronde gravitationnelle. Alors, je ne sais pas exactement laquelle. Oui, elle a utilisé l'assistance gravitationnelle de Jupiter. Et donc, elle n'a pas pu survoler toutes les planètes d'un coup. Elle a survolé juste Jupiter. Mais donc, c'est la prochaine sonde qui va aller aussi loin. Après, pour l'espace interstellaire, ça va devenir compliqué parce que c'est quand même assez lent, finalement, même... 10 ans pour arriver à Pluton, c'est bien, mais après, ça se compte tout de suite en centaines de milliers d'années pour aller vers les étoiles les plus proches. Ouais. Ok, il va falloir attendre qu'Andromède nous rentre dedans pour accélérer un peu les choses. Des questions les autres ? On passe aux questions de la chatroom ? Non, on peut passer aux questions de la chatroom. Bon, on avait une remarque de Nick Talop qui était très étonné du 800 x 800 pour les caméras de Voyager. Mais c'est pas mal, en fait, 800 x 800, parce que ça fait quoi ? Ça fait 6 mégapixels, hein, c'est ça ? Ça fait... Où il y a un rapport 10. Non. J'ai comme un doute. Je pense que t'as mis un rapport 10 en trop. Ça fait 0,6 mégapixels. Attends, je vérifie. Mais... Bah, en tout cas, là, ouais, typiquement, pour avoir une idée, dans les images qu'on a dans la chatroom, ça moi, fait je mesurais sur mon bête écran, c'est des images 400 x 400. Donc 800, c'est pas ridicule. Ça se regarde sur un écran, quoi. Ça s'imprime pas, mais ça se regarde sur un écran. Oh non, c'est pas ridicule. Enfin, bah, c'est à peu près le meilleur que ce qu'ils avaient à l'époque, ouais. Quoi. Mais si vous voulez des super images de Saturne, par exemple, alors pour Uranus, c'est la seule. Donc vous n'avez pas trop le choix. Mais si vous avez des superbes images de Saturne, il y a tout ce qui est Huygens Cassini qui avait un détecteur bien meilleur et qui a fait des étoiles assez jolies aussi, des photos assez jolies. Après, je crois que ce qui a beaucoup passionné la chatroom, c'est le côté discussion avec les extraterrestres et existence d'extraterrestres. Une remarque de Pascal qui disait que si une sonde extraterrestre nous tombait sur la tête avec un disque, on mettrait de gros moyens pour la lire. je l'ai mise aussi cette question parce que du coup, je me disais, est-ce qu'on a, il y a quand même beaucoup de programmes sur la planète Terre qui cherchent à détecter les extraterrestres. Tu peux nous en dire un mot, Johan ou... Il n'y en a pas des milliards, il y a surtout SETI, c'est ça. Puis... C'est un peu compliqué. Il y a toujours pas mal de divisions. Je pense aux US en France, je pense qu'il y a un peu moins de choses comme ça. Donc SETI, c'est Search for Extraterrestrial, Institute. Je vais chercher tout de suite. Alors après, ils imaginent différentes choses. Par exemple, j'ai lu récemment, je ne sais pas si c'est... Intelligence. Search for extraterrestrial intelligence. Voilà. Et c'est bien fondé par Sagan, je ne dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est Sagan. Enfin, c'est peut-être pas fondé par Sagan, mais Sagan, ça a été un grand promoteur de ce genre de choses. Et donc, par exemple, ils ont cherché pendant très longtemps en ondes radio, parce qu'à ce moment-là, on émettait beaucoup d'ondes radio. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que depuis Internet, il n'y a plus grand monde qui émet en ondes radio. Et donc, on est devenu assez radio invisible dans l'espace. Et donc, ça serait peut-être mieux de chercher dans d'autres longueurs d'onde. Enfin bref, il y a des vraies questions encore qui sont étudiées. Et puis, il y a aussi des vraies questions philosophiques. Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est prudent de signaler notre position ? parce que l'histoire des civilisations humaines a montré que quand tu allais visiter un endroit inconnu, tu venais pas forcément en visiteur pacifique. Donc il y a des vraies réflexions comme ça. Après, je pense que quoi qu'on fasse, on envoie de toute façon des signaux dans l'espace de manière totalement désordonnée et qu'on ne peut pas faire grand chose sur ça. Pour ceux qui ont grosso modo mon âge, un peu plus vieux même, c'était très à la mode il y a une bonne dizaine d'années d'avoir en fond d'écran SETI qui justement analysait les ondes radio. Ça faisait un beau économiseur d'écran. Puis on avait l'impression qu'un jour, peut-être, on aurait une alarme, on a découvert un extraterrestre. je crois que ça existe encore, mais c'est beaucoup moins répandu. Enfin, j'ai jamais vu personne avoir ce truc-là, alors qu'à une époque, tout le monde l'avait un peu partout, quoi. Je pensais aussi à ce film, je me souviens plus le titre, c'est un vieux film d'avoir 15 ans aussi, avec Judy Foster. C'est Contact, ouais. C'est justement, qui est basé sur un bouquin de Sagan, encore, on revient à lui. Ah ouais, mais parce que... La promotion de SETI, justement, ils analysent des ondes et ils découvrent que c'est un signal, justement, complètement compréhensible, un signal radio, quoi. C'est le discours d'Hitler, d'ailleurs. C'est le discours d'Hitler. Je ne voulais pas faire le spoil, mais bon. Ah ouais, parce que les radars, ils sont encore en place. Hein, on les voit encore. Hein. Moi, chaque fois que je vais dans la vallée des Owens, je les vois. Ces radars, en fait, ils servent à autre chose aussi. Ouais. Ils servent à faire de l'astronomie en ondes radio. Alors, maintenant qu'on a spoilé, on peut spoiler gaiement. Hein, mais un truc hyper intéressant dans Contact, par rapport à toutes les histoires de compréhension et tout, c'est que le premier réflexe de ces extraterrestres, où on ne sait pas trop quoi, en fait... quand ils reçoivent ce son intelligent, c'est en fait un réflexe qui est très malin. Plutôt qu'essayer de le comprendre, puis de l'analyser, puis de répondre, ils le renvoient. Et ce qui en fait est une bonne manière de dire on a reçu quelque chose. Et plutôt qu'essayer déjà de le comprendre, juste de le rebalancer. Et en fait, sans doute la manière la plus rapide de répondre. Quoi. Moi, je n'avais pas du tout eu cette idée-là quand j'ai lu le bouquin. Et... Bah après, oui, Sagan a passé sa vie à réfléchir là-dessus. Bon, c'est un petit spoil, hein. C'est la moitié du livre. Hein. Il reste encore une bonne moitié après. Ouais, et puis de toute façon, le livre est très très bien écrit. Vous avez, donc il y a le film qui est très sympa, et le bouquin, il y a une version audio qui existe, lue par Jodie Foster. Ouais, excellent. Donc, qui est... Je n'aime pas du tout les livres audio, mais ça, j'ai écouté ça dans un train, c'était merveilleux. bon, sur les autres projets de la NASA, on en a parlé, du coup, pour envoyer une sonde... qu'on surveillera elle aussi 40 ans ou plus. Là, tu me coupes si je dis des conneries, mais c'est très classique dans le spatial de dire on envoie un truc pour 10 ans, mais en fait, tant qu'il reste en vie, on s'en occupe, quoi. Oui, alors le problème, c'est que c'est rare, en fait, que... Enfin, c'est vrai pour tout ce qui est sonde lunaire, martienne, typiquement. Ou même satellite, quoi. Il y a, comment il s'appelle ? Oui, ou satellite autour de la Terre. Sur Mars, il y a... Curiosity, c'est celui d'avant. Opportunity, c'est ça, qui était parti pour une mission de 5 mois, je crois. Puis ça fait 10 ans qu'il est là. Et en plus, il s'est fait le plaisir de découvrir un des objectifs de Curiosity un mois après que Curiosity soit arrivé sur le sol, je crois. Ah, ça, je l'ai. Mais il a fait une découverte très liée à l'eau. Je crois qu'il a trouvé des galets qui étaient un peu érodés sur de l'eau. Donc, ça arrive. Après, le problème des sondes, Voyager 1, par exemple, il y en a eu beaucoup des sondes qui ont été envoyées vers Jupiter. Une fois qu'elles sont passées, normalement, à moins qu'il y ait un énorme coup de bol, ce qu'on appelle donc le Planetary Grand Tour, qui fait qu'il y avait plusieurs planètes que tu pouvais faire d'affilée, là, normalement, tu es parti vers l'espace et il n'y a plus rien. Donc, normalement, mais après, c'est vrai que si tu orbites autour d'un truc, tu marches tant que tu marches, et c'est vrai qu'il y a la plupart des sondes. Bah, c'est ce qu'on dit toujours, c'est que le spatial, c'est un peu de l'artisanat de luxe, quoi. C'est-à-dire que c'est chaque pièce qui est optimisée au mieux. Vraiment, c'est le mieux de ce qu'on a à ce moment-là sur Terre. On l'envoie et puis après, ça marche 5, 10, 20. Tant que ça marche, on l'utilise et même on l'utilise en mode très dégradé. Par exemple, Hubble, maintenant, il n'y a plus qu'un seul des instruments qui marche, mais il fait toujours des observations. Ça fait 25 ans qu'il est là-haut et il marche encore pas très bien, mais il marche, quoi. Et on l'utilise toujours. Une autre question très pratique. Là, on a parlé beaucoup du début du voyage des sondes. Et justement, bon, c'est encore ces sondes avec des messages pour les autres planètes. Mm-hmm. Mais à l'arrivée, là, c'est-à-dire que s'il y a une sonde qui arrive sur une exoplanète, alors là, on a une question qui dit si la sonde tombait sur une exoplanète, est-ce que le disque survivrait à la descente dans l'atmosphère ? Même plus généralement, imaginons, ça fait je ne sais pas combien de milliers d'années, elle arrive près d'une exoplanète. On ne va même pas dire étoile, juste exoplanète. Il se passe quoi, là ? Elle ne va même pas atterrir, elle va se foutre en orbite, elle va faire quoi ? Ah non, là, elle va être la pile à combustible, je crois qu'elle a... Je me demande si ce n'est pas elle qui tombe en rade en 2020. C'est alors imaginons qu'elle est en rade, elle n'a plus de pile. Enfin, ce n'est même pas imaginons, c'est qu'elle sera en rade. elle n'a plus de pile, donc après, c'est un caillou. Hein, donc, je pense qu'en fait, les gens qui ont imaginé ça ont imaginé une civilisation beaucoup plus intelligente que nous, qui serait capable de repérer cet objet et puis d'envoyer un vaisseau pour aller le chercher. Ce que je pense, on est assez incapable aujourd'hui. si elle tombait directement dessus, je pense qu'elle se scratcherait dans l'atmosphère et qu'on n'en verrait plus. C'est vraiment une bouteille dans l'espace. Hein. Ouais, et puis en plus, il y a vraiment pas grand chose qu'on peut faire. Si elle se prend une atmosphère, en fait, elle crame. Il y a même pas. Il y aura même pas. Ah oui, il y a pas de. Elle peut pas atterrir toute seule, non. Une question d'Antoine, qui est très étonné qu'il n'y ait pas de nouveauté dans la propulsion des sondes depuis l'assistance gravitationnelle. Et ben non, en fait. Alors, je crois que pour aller sur la Lune, les gens maintenant ont commencé à réfléchir à d'autres trajectoires qui demandaient moins de carburant, mais qui étaient beaucoup plus lentes. Il faudra un câble aussi. Ça, c'est dans, comment ça s'appelle, Mars la Rouge, c'est ça. Il y a des gens, oui, qui veulent... Non, en fait, c'est assez difficile. Il y a eu un article il y a quelques semaines qui a fait pas mal de bruit là, sur Internet, de gens du JPL, justement, qui avaient trouvé un moyen de propulsion révolutionnaire. Il se trouve que non, il n'y a toujours pas grand-chose qui est fait. Et même la sonde qui a été envoyée en 2005 là, pour aller vers... celle qui a été envoyée en 2004, qui arrive maintenant à Rosetta, et New Horizon, qui a été envoyée en 2005, utilise toujours l'énergie gravitationnelle. Et pour le moment, pour se déplacer dans le système solaire, il n'y a que ça, vraiment. Et c'est sur des échelles de quasiment 10 ans. Ouais, d'accord. Parle près du micro. Désolé. Sinon, on n'aura rien après. Et surtout sur des distances comme ça, parce que même si on avait quelque chose qui avait plus d'énergie, il faut la maintenir dans le temps. Donc c'est d'autant plus compliqué pour... Alors, j'imagine qu'on peut charger des réacteurs suffisamment. Je pense qu'on rajoute ça... du poids, c'est toujours le même problème, quoi. Ouais. Je sais que pour la sonde, ils ont rajouté un réacteur nucléaire un paquet d'éléments, une horloge atomique suffisamment précise pour dater le moment du départ sur Voyager, pour dater le moment du départ à plusieurs millions d'années, je crois. D'accord. Mais après, je sais pas. Enfin, ça peut pas fournir d'énergie à la sonde. Je sais pas si je suis pas spécialiste de nucléaire. Je sais pas si on pourrait faire des générateurs qui durent plusieurs milliers d'années et les embarquer sur un satellite. Alors après, une question de Nawak, qui est un peu l'opposé de la question de tout à l'heure. Si la question un peu existentielle, si la sonde ne s'écrase pas sur un objet, qu'est-ce qui se passe? Elle s'effrite, elle garde son intégrité. Si on imagine qu'elle est dans le vide total, il n'y a plus aucune interaction, juste elle est là. J'avoue que j'en sais rien. C'est une question vraiment existentielle. En fait, je pense que si elle reste dans le vide, elle reste dans le vide. C'est pour ça qu'on a des objets qui arrivent, etc. La question, c'est que si elle continue en ligne droite sur un temps, je vais pas dire infini parce qu'il y a des matheux, mais sur un temps suffisamment long, est-ce qu'elle finit par se taper quelque chose dans l'univers? À la limite de lumière, quoi. Elle repart dans le sens. En termes de densité de matière dans l'univers, je crois que la probabilité doit être très très très très faible quand même. Hein. Enfin, t'en sais plus que moi, mais... j'en sais rien. C'est quand même beaucoup, beaucoup de vide, sauf erreur. Surtout maintenant qu'elle a quitté le système solaire, quoi. Avant de retomber dans un truc comme ça. Je crois, oui. C'est pour ça que l'explication que le ciel est noir. Parce que si le ciel est étoilé, enfin, le ciel, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas forcément une étoile dans toutes les directions. Donc, en gros, il y a beaucoup de chances qu'elle se tape rien du tout et qu'elle reste à dériver. Mais ça paraît bizarre, parce que ça veut dire quoi, dériver pendant l'infini? Oh non, mais ça, c'est une histoire de physicien, ça, on s'en fout. Donc bref, je suis désolé, il faudrait poser la question on aurait dû poser la question à Sébastien la semaine dernière. Après, si c'est vraiment pendant un temps infini, il y a tout plein de questions sur la topologie de l'univers, on va pouvoir reboucler sur d'autres dossiers. Et elle pourrait revenir sur Terre et ça serait ça. Grave la classe. Dans l'autre sens. En même temps, toujours, moi je kifferais de voir un mirage cosmologique, hein, de topologie cosmologique, ce serait génial. Donc, pour rappel, hein, c'était le dossier d'Algigi, c'est si en regardant tout droit, on se voit comme si on se voyait dans une sorte de miroir. On tombe sur un mirage qui est dû à la forme de l'univers biscornu. Bref. Et du coup, on peut se gratter le dos d'il y a 4 milliards d'années. Ouais, c'est ça. c'est cool. Enfin, c'est incroyable, cette mission-là. Et ça fait partie des belles prouesses humaines, quoi. Ouais, surtout qu'elle marche encore. C'est vrai que c'est une belle 34 histoire. 34 ans. Ouais. Et puis truc qui arrive que tous les 176 ans, les gars, j'ai la courbe parfaite, là. La trajectoire, vous ne pourrez pas aller plus vite. Parce que on ne sait pas aller plus vite aujourd'hui que cette trajectoire parfaite. Quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé quand même, c'est le passage à la fin des années 60, là, quand les États-Unis mettaient je ne sais pas combien dans le spatial et que le JPL travaillait avec l'hypothèse que la mission était trop importante scientifiquement pour être annulée. Et ça, ça fait rêver maintenant au début des années 2010. Ça, c'est complètement impossible, une mission trop importante scientifiquement. Et justement, c'est quel bouquin là, qui t'a passionné là-dessus? Passionné, c'est un grand mot. Enfin, c'est très chouette. C'est un bouquin d'information qui doit s'appeler Voyager. Attends, Il est dans mon sac, je le sortirai tout à l'heure. Ouais, tu le sortiras tout à l'heure pendant le pitch de Robin. Parce que si tu le sors en parlant, on ne va plus t'entendre. Pas du micro. Sinon, après, après, c'était beaucoup de Wikipédia. Et puis surtout, ce qui est important, je mettrai les notes dans l'émission, c'est les superbes images que ça a pris. Il y en a des dizaines et des dizaines, toutes plus jolies les unes que les autres. Parce que là, j'ai montré aucune image de satellite. Il y a une très belle image de Io, de Titan, de Triton, de Oberon, les dizaines de satellites qui ont été pris en photo de très près et qu'on a découvert et qui ressemblent pas du tout à la Lune pour la plupart d'ailleurs, de Encelade aussi. Et donc, je vous encourage vraiment à aller voir. J'en mettrai quelques-unes dans le dossier écrit parce que oui, ça reste un podcast, donc je pouvais pas mettre trop de photos non plus. Et sinon, au niveau modélisation du mouvement des planètes et tout, ça prouve qu'on est quand même capable de prévoir des trajectoires sur une dizaine d'années, quoi. C'est assez incroyable. Ah ça oui, mais ça on pouvait les Mayas ou les Grecs arrivaient à prévoir des éclipses quelques dizaines d'années avant, hein, donc ça c'est assez vieux ça. Ce qu'on savait pas, c'était exact, c'est ce qu'a fait le JPL, c'était cet énorme travail de voyage interplanétaire, c'est analyser 10 000 trajectoires, si tu arrives un tout petit peu plus haut, un tout petit peu plus bas sur Jupiter, ça te déforme d'une certaine manière, qui fait que 10 ans plus tard, tu vas te retrouver sur Pluton plutôt que sur Saturne. Ça, c'est des calculs très fins et il a fallu les premiers ordinateurs pour commencer à traiter ce genre de calculs. Tu veux dire des calculatrices qu'on a tous dans notre poche maintenant? À peu près, oui. Voire même un peu moins puissant, en fait. Oh, c'était quand même le début des années 70, je pense qu'on commençait à avoir des trucs quand même. Ouais, non, c'était le... moins, c'est moins puissant que des téléphones portables. Hein. Bon, peut-être, j'en sais rien. Bref. Des questions, tout le monde, ou on passe au magnifique pitch de Robin qui a pu nous rejoindre avant le moment de son pitch? On peut passer au pitch, je pense. Ben, merveilleux. J'avais confiance en toi, Robin, j'étais sûr que t'allais. Oui. Bon, non, ouais, je vous raconte pas ma vie, elle est un peu compliquée en ce moment. Je me suis rendu compte à 20h39 que j'étais pas là et que j'avais un pitch à faire. Alors, allons-y pour le pitch. C'est entendu, il faut s'ouvrir aux autres sciences, ne pas rester enfermé dans les maths, soit. Ouvrons-nous donc à la chimie, la matière que j'ai sans doute le plus abhorrée dans ma vie, mais en douceur, par le biais du plus mathématique de ces chapitres, la cristallographie. Attention, le manque d'image pour ce sujet hautement visuel pourra générer des crampes de cerveau aux plus accrochés d'entre vous, mais rassurez-vous, je vais tenter comme d'habitude de bricoler des sons pour tenter de pallier à ce défaut. À la semaine prochaine. Bon, ben merveilleux. En plus, la cristallographie, c'était le thème de la fête de la science cette année, c'est ça? Bah, c'est un peu pour ça que. C'est par hasard. Que j'ai. Ouais, tu fais de la ressucée de ce que t'as fait à la fête de la science, tu peux l'avouer. Ouais, mais alors, total, mais j'ai aucune honte à avouer ça. Je veux dire, il y a un moment où, de toute façon, j'essaye toujours de travailler pour plusieurs. Voilà, pour tout le monde en même temps, quoi. Hein, quitte à, tant qu'à faire, quand je me renseigne, autant que ça sert à tout le monde. Le problème, c'est que c'est vraiment un sujet très, très, très visuel. Il est presque prêt, ton dossier, non? Il est prêt. Dans ma tête, il est globalement prêt. Hein. C'est-à-dire que je l'ai déjà présenté plusieurs fois à l'oral, donc je sais ce que je vais raconter. Hein. Il y a déjà des auditeurs, d'ailleurs, il y a déjà des auditeurs de Podcast Science qui l'ont vécu en direct, qui l'ont entendu avec des images sous les yeux, puisqu'ils sont venus au Palais de la Découverte. Ils sont bien, ces auditeurs. Voilà, il y a Citron Vert qui est dans la chatroom actuellement, qui est venu, et puis il y a quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom, qui m'a dit qu'il n'était jamais dans la chatroom de toute façon. Mais voilà, donc je vais essayer de raconter ce que je leur ai raconté, sans images. C'est Mille qui est venu. Enfin, c'est Meal ou Maël, on ne sait jamais. Oui. Faire les deux. Ouais, mais je ne sais pas si c'est lui vraiment, si. Non, parce que lui, il est dans la chatroom. Lui, il est dans la chatroom, mais il semble que celui qui est venu, il m'a dit qu'il n'était jamais dans la chatroom. Enfin, okay. Bref, peu importe. Bon, bah, super, bah, bien impatient. Moi, j'écouterai ça en différé, mais très impatient. Moi aussi, je suis assez impatient de voir ce que je vais réussir à faire. Ouais. Johan n'est pas prêt pour la côte, donc on va juste en profiter pour quelques petits plugs. D'abord, quitte à faire de la pub éhontée, Robin, t'as sorti un bouquin, non? Ouais. Voilà. Parce qu'on est plusieurs à l'avoir reçu un peu par hasard sans s'y attendre. C'était une jolie surprise. Ouais. Bah, c'est-à-dire que elle m'a demandé, le service com m'a demandé de donner des adresses de prescripteurs, n'est-ce pas? Et donc, au début, j'ai fait ça sérieusement. Et après, je me suis dit, mais je suis con, faut en faire profiter les copains parce qu'ils m'ont dit que j'avais le droit à je sais plus combien d'exemplaires. Donc, et puis je me suis dit, de toute façon, en podcast science, c'est grave des prescripteurs, quoi. C'est pas parce que j'y suis que... Ouais, carrément. Donc, on va prescrire. Donc, Le bouquin qu'il faut prescrire, tu donnes les références, je ne l'ai pas sous les yeux, là. Alors attends, il s'appelle Vous avez dit maths, c'est donc de moi. De la maison à la ville, le monde en mathématiques. Voilà. C'est aux éditions Duno de Palais de la Découverte et c'est donc de Robin Jamais. Ouais, c'est une co-édition parce que... Duno, Palais de la Découverte, c'est ça. C'est donc de Robin Jamais parce que Robin a un nom de famille aussi, hors de la science. C'est vrai, Et voilà, Et tu l'as pas encore lu, donc tu peux pas dire que c'est bien. Pour faire bien... Non, je l'ai pas lu encore. Pour faire bien les choses, il y a une version électronique de ton bouquin, dis-moi. Ouais, il y a la version Word, je peux te l'envoyer, ouais. C'est ça. Ouais, tu peux suivre ton éditeur pour qu'il y ait une version... Et qui... il s'adresse à qui, ton bouquin, là ? Alors, c'est une excellente question. En gros, on m'a passé commande, on m'a passé comme commande un truc que des collégiens pourraient comprendre. En gros, les éditeurs, j'ai l'impression, font tout ça, et je pense qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'en gros, on te donne un défi impossible en te disant... Ouais, faire un bouquin sur la théorie de Galois pour des collégiens, s'il te plaît. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais globalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on te dit, il faut faire un bouquin de 150 pages pour les collégiens. Enfin, tu vois, t'es bien gentil, mais un sixième, il va jamais lire un bouquin de maths de 160 pages, ou alors pas celui-là, parce que dans ce cas-là, il lit déjà des bouquins de... Enfin, voilà, c'est que c'est pas quelqu'un de normal. Et en plus, à chaque fois, les éditeurs choisissent un titre très valorisant pour les maths. Hein. Donc là, c'est alors, Vous avez dit maths, et le précédent, c'était alors, À quoi ça sert quoi, les maths mais... Ouais, non, alors vous avez dit maths, j'ai une explication, c'est qu'en fait, il y a eu une exposition au Palais de la Découverte il y a quelques années qui s'appelait Vous avez dit chimie. Et à cette occasion-là, Duno avait contacté déjà le Palais de la Découverte pour faire un bouquin à partir de l'expo, qui s'appelait donc Vous avez dit chimie, puisque c'était le nom de l'expo. Et donc du coup, là, en fait, ils ont repris le truc, ça fait 2-3 ans que Vous avez dit chimie est sorti, et ils ont dit, tiens, en fait, c'était une bonne idée, ça marche bien, et donc on va lancer une collection. Donc en fait, là, c'est Vous avez dit maths, c'est du coup le deuxième de la collection, sachant que le premier n'était pas encore une collection. Et après, il va y avoir la physique, et il va y avoir d'autres trucs. Bon, en tout cas, ruez-vous dessus, n'hésitez pas. Moi, je l'ai pas lu, je l'ai feuilleté. C'est très sympa parce qu'il y a pas mal de visuels à l'intérieur. Il y a même des petits dessins. Je suis pas sûr de reconnaître le dessinateur. J'ai pas envie de dire de conneries, mais bon, c'est sympa. En fait, c'est un dessinateur qui bosse pour Duno, qui s'appelle Rachid, je sais plus comment. Je l'ai même pas rencontré, en fait, ce mec-là. Voilà. Et du coup, en fait, les idées de dessin, sauf exception, c'est de moi parce qu'ils m'ont demandé des idées. Je me suis dit, ouais, je suis nul pour les idées drôles. Et en fait, Rachid Marail. Et en fait, il a repris toutes mes idées. Donc, voilà. Ah, et je tiens à dire une chose, puisqu'on est à Podcast Science. Oh. Il y a une photo de moi. Ils m'ont demandé une photo de moi. La seule photo de moi potable que j'ai trouvée, c'était pendant le... Oh, on t'entend plus, Robin. Comment on appelle ça ? Le live de Podcast Science à Lyon. Donc, c'est une photo Podcast Science. Oh, Robin, par contre, faut quand même parler d'une chose un peu sérieuse, là. Donc, j'ai eu le temps de lire les remerciements et les liens vers des sites web à la fin. Et tu cites un site un peu méconnu, une sorte de site, je crois que c'est LJJ ou un truc bizarre comme ça, Chou Romanesco, je sais pas quoi. Par contre, j'ai pas vu le lien vers Podcast Science. Ouais, je me suis dit, ouais. Attends, c'est un bouquin de maths. J'ai fait le lien vers un site qui parle de maths. D'accord. Donc oui, bien sûr. Je vois. Je peux te dire qu'on est plusieurs à être. J'aimerais juste être sûr que Ah, et LJJDX, Canal Plus. Ouais, bah oui, bah excusez-moi, mais il fallait faire une pub pour des liens vers des sites qui parlent de maths. D'accord. Voilà. Donc j'ai choisi un site qui parle de maths que je trouvais plutôt bien. Voilà. T'aurais pu mettre le lien vers tes dossiers. J'aurais pu mettre le lien vers les dossiers. Ouais, mais non. J'ai pas fait. Je suis assez mauvais pour l'auto-promo, en fait. Enfin, c'est, voilà. Ça repart, ouais. Tout est mélangé. Donc, je sais que dans la chatroom, ils étaient frustrés. Ils ont été coupés juste avant la fin de mon histoire de photo. Donc, je termine. Vas-y. Et donc, juste, voilà, la photo de moi qui est sur le bouquin est une photo qui a été prise pendant une émission live de Podcast Science, pendant l'émission à Lyon. Mais c'est pas précisé, parce que t'as refusé de mettre... Et voilà. Et donc, le t-shirt, on voit le haut du t-shirt, on voit que c'est un t-shirt noir, parce que c'est le t-shirt Podcast Science officiel. Je vois. Très bien. Parce que sinon, vous voyez une bouteille de bière derrière, ils disaient que ça faisait pas sérieux. Ok, super. Bon, ben, en tout cas, moi, je vais feuilleter ça dans l'avion, et voilà. Et puis, je vous invite à aller au moins le feuilleter, et puis l'acheter, c'est encore mieux. Ça fait manger le Robin, quoi. Tant qu'on est dans les plugs, j'en profite pour un tout petit plug un peu technique. Depuis 2 semaines, c'est-à-dire l'émission freestyle et l'émission sur le Bitcoin, j'ai un peu changé les méthodes de montage et de traitement du son. Donc j'aimerais bien avoir des retours, savoir si vous trouvez que c'est mieux, moins bien, pareil. Si vous vous en foutez, non, juste pour voir, parce que si c'est mieux, on essaiera un peu de généraliser ça quand tout le monde monte ou quand on enregistre. Si c'est moins bien, ben, je réécouterai, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Mais voilà, n'hésitez pas à faire des retours sur le son. Et si ça s'est amélioré, c'est grâce à vous et qu'on a enfin réussi à comprendre comment utiliser cette foutue table de montage dans laquelle on a investi il y a quelques mois grâce aux dons. On passe à la quote ? Oui, je l'ai retrouvée, je crois. Merveilleux. Ah, donc c'est une quote d'un président des États-Unis. Donc c'est Jimmy Carter. Et je crois que je suis pas sûr, mais je crois que la quote est aussi citée sur la sonde Voyager. Donc, this is a present from a small, distant world, a token from our sons, our science, our images, our music, our thoughts, and our feelings. We are attempting to survive our time, so we may live into yours. Et à la traduction Wikipédia en dessous, pour éviter de faire traduire Irène. Donc, c'est un présent d'un petit monde éloigné, une marque de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Nous essayons de survivre à notre temps, de sorte que nous puissions vivre dans le vôtre. Bah, c'est beau, hein. Ouais, c'est beau. Rien à rajouter, quoi. On peut conclure là-dessus, je pense. Juste avant peut-être de conclure, donc, tu as pas cité, il me semble, le bouquin, parce que tu étais parti le chercher. Ouais. Donc, c'est... Alors, c'est NASA's Voyager Missions. Donc, c'est en anglais. Je n'en ai pas trouvé en français de bien complet sur Voyager. C'est de Ben Evans et c'est chez Springer, c'est ça. Et c'est chez Springer. Bon, après, y a des détails assez amusants dedans, mais il faut avouer quand même que la plupart des informations que j'ai trouvées quand même étaient trouvables sur Wikipédia. Alors après, il y a beaucoup de pages Wikipédia, Wikipédia anglais. Il y a beaucoup de pages Wikipédia qui parlent du Golden Record, de voilà. Je mettrai des liens dans le dossier précis vers là où je trouve les informations, puis surtout là où je trouve les sons, les images, les photos, que j'ai utilisées et qui peuvent tous être écoutés sur YouTube ou sur... voilà. Ok. Par-dessus ça, on ne saurait trop vous conseiller de lire Contact. Si je le répète pas une fois de plus, je vais me faire taper par Alan de toute façon. Donc écoutez, lire, regardez Contact. En tout cas, allez-y gaiement. C'est un moment très sympathique. C'est de la fiction, mais de la fiction faite par quelqu'un qui était amoureux de la vraie science aussi à côté. Et donc, je refais ma pub là pour Another Earth, donc, que j'ai cité dans le podcast, qui est un film qui n'a pas trop... Si, je crois qu'il a eu un prix au Festival de Deauville et qui est de la science-fiction, mais pas du tout de la science-fiction dure, et qui est vraiment très très chouette. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui a un accident de la route le soir où on découvre une autre planète Terre. Et en fait, ça se passe que sur Terre, ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'il y ait une autre planète, mais c'est un peu lié. Enfin, c'est un peu comme Contact, c'est assez bien aussi, et je vous le conseille aussi, vivement. Ok, super. Avant de lancer le générique, je vais dire aussi merci bien sûr à Puyo et Inti et Randall Flagg. Je ne sais pas s'il a fait des dessins. Oui, ouais, il y en a fait Randall un. Flagg. Qui ont fait plein de dessins très sympas. Et donc j'ai confondu tout à l'heure. C'était oui, Puyo. C'était Inti, ouais. Enfin, c'est Inti ou Inti, je ne sais pas. Et en tout cas, voilà, ils nous font toujours des dessins merveilleux. Comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras croisés. Ils ont des gens de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de dons, de cadeaux, de Minitel pour Robin qui ne l'a toujours pas reçu. Faites tout ça sur podcastsomsoleil.fm, Facebook, Twitter, iTunes, SoundCloud, bref, sur à peu près tout l'Internet mondial et au-delà de la galaxie. Merci encore à tous d'être fidèles au poste chaque semaine. On se retrouve sans moi, sans Alan, le 21 octobre, une émission gérée de main de maître par la prêtresse des coulisses, Julie, avec Robin qui parlera de cristallographie en audio. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous, et que servir la science soit votre joie.